بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس السابع من هذه السلسلة في الشرح على كتاب الصيام من عمدة الأحكام. Nous sommes donc au septième cours dans cette série, dans l'explication du chapitre du jeûne tiré de Umdat al-Ahkam. وقد وصلنا إلى الحديث السابع وهو الأخير في هذا الباب. Nous sommes arrivés donc au septième hadith qui est le dernier de ce sous-chapitre, qui est le dernier hadith cité dans ce sous-chapitre. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, qui dit: alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, vient à lui un homme en disant: ô messager d'Allah, je suis certes dans la perdition, halakt. Les savants, ils disent, ce qui est voulu par là, c'est que j'ai fait un péché. J'ai péché, j'ai fait un acte qui me mène dans la perdition. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: qu'est-ce que tu as, malak? Alors l'homme a dit: certes, je me suis trouvé sur mon épouse, je me suis trouvé sur ma femme alors que je jeûnais. Et dans une narration, j'ai profité de mon épouse pendant Ramadan. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que tu as la capacité d'affranchir un esclave? Est-ce que tu as la capacité d'affranchir un esclave? L'homme a répondu en disant non. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que tu as la capacité de jeûner 2 mois d'affilée? L'homme a dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que tu as la capacité de nourrir 60 pauvres? L'homme a dit non. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté attendre un moment. Abu Huraira, il dit: alors que nous étions comme cela, vient un homme, ou alors que nous étions comme cela, on est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un panier qui contenait des dattes. Avec un panier qui contenait des dattes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: où est le questionneur? Où est celui qui m'a interrogé tout à l'heure? L'homme a dit: moi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prends cela et donne-le en aumône. Fais ta saddaq bi et donne-le en aumône. Alors l'homme a dit: est-ce que je le donne à plus pauvre que moi, ô messager d'Allah? Car par Allah, mais baina labatiha, ce qui est voulu par là, c'est-à-dire il n'y a pas ici à Médine, il n'y a pas ici à Médine une famille qui soit plus pauvre que la mienne. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rigolé. Puis, donc il a rigolé jusqu'à ce que ses canines apparaissent. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, nourris ta famille avec celui-ci, donc avec ce panier. ذكرت العلماء في هذا الحديث فوائد كثيرة. Les savants, ils ont cité dans ce hadith beaucoup de leçons profitables. منها وجوب سؤال أهل العلم عما يفعله الإنسان مخالفا للشريعة والخوف من سوء العاقبة. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith, il y a l'obligation de demander aux gens de science concernant ce que l'être humain peut faire qui est en contradiction avec la législation, et l'obligation d'avoir peur, et l'obligation donc d'avoir peur des conséquences néfastes de ses actes. فَانْظُرُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ كِفَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ يَكُولُ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Alors, méditez sur la situation de cet homme, comment il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant, je suis certes dans la perdition au messager d'Allah. اليوم بعض الناس قد يخالف الشريعة كل يوم في عمله ولا يبالي ولا يسأل أهل العلم لأنه يخاف على ماله أكثر أكثر من خوفه أو أكثر من الوقوع في معصية الله. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vont contredire la législation tous les jours au travail et ils n'y accordent aucune importance. Et ils ne reviennent pas aux gens de science pour leur demander, car ceux-ci ont peur de leur argent, ils ont peur de leur bien, bien plus que le fait d'avoir peur de tomber dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. ويخاف أن يقال له اترك هذا العمل أو شيئا من هذا القبيل. Beaucoup ont peur qu'on leur dise délaisse ce travail, va chercher un autre travail licite ou autre chose qui ressemble à cela. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. Et donc mes frères, nous devons craindre Allah تبارك وتعالى concernant nos propres personnes, concernant nos biens. Comment est-ce que nous gagnons nos biens de façon licite ou pas? Nous devons revenir vers les gens de science et les interroger concernant ce que nous faisons. وَأَيْضًا ذَكَرَتِ الْعُلَمَاء مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازَ إِذْهَارِ الْمَعْصِيَةِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ. Et aussi, les savants, ils ont cité parmi les leçons profitables de ce hadith le fait qu'il est permis de mettre en évidence le péché lorsqu'il y a en cela un bien. Il est permis de mettre en évidence le péché, donc la personne elle a commis un péché, il lui est permis donc de dévoiler son péché lorsqu'il y a en cela un bien. Fahuna hadha sahabi ابدى للنبي صلى الله عليه وسلم معصيته التي هي وقوعه على اهله وفعل ذلك رجاء ان يتخلص منها اي من هذه المعصيه. Et donc ici ce compagnon, il a exposé au prophète صلى الله عليه وسلم son péché, qui est le fait qu'il ait eu un rapport avec son épouse, donc en pleine journée de Ramadan. Et pourquoi est-ce qu'il a exposé ce péché? Parce qu'il espérait donc pouvoir expier celui-ci. وَهَذَا يَدُلُّنَا عَلَى أَمْرٍ آخَرٍ وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَسْتَحْيُونَ مِنْ ذِكْرِ مَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Il y a aussi un autre point Cela nous appelle aussi à un autre point qui est le fait que certaines personnes ne sont pas gênées quant au fait de citer ce qu'ils ont accompli comme désobéissance, comme péché envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ya akhi, satarak Allah, fatoub wastur nafsak. Oh mon frère, Allah t'a préservé quant au fait de dévoiler, quant au fait que ton péché soit dévoilé. Alors repens-toi et fais les causes pour te préserver et ne pas te dévoiler. وَالْبَعْدُ يَنْشُرُ مَعَاصِ الْآخَرِينَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Et certaines personnes vont faire plus grave que ça encore. Ils vont propager et dévoiler les péchés des autres. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il a été cité dans Sahihayn, les deux recueils de Bukhari et de Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cache le péché d'un musulman, alors Allah donc va le cacher, ne pas le dévoiler au jour de la résurrection. وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي التِّرْمِذِي سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Il a été cité dans le recueil de Tirmidhi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors Allah, il va donc le préserver, que son péché soit dévoilé ici-bas et dans l'au-delà. فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Alors, donc la rétribution est du même genre que l'œuvre. La rétribution est du même genre que l'œuvre. Et la yarsha ha'ulai ala anfusihim an yufdahu kama fadahu ikhwanahum. Est-ce que ces gens-là n'ont pas peur concernant leur propre personne qu'ils soient dévoilés comme ils ont dévoilé leurs frères? Wallahu al-musta'an. Wa aidan dhakar al-ulama min fawaidi hadha al-hadith isti'mal الكنايات فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه. Et aussi, les savants, ils ont cité comme profit, comme leçon profitable de ce hadith, le fait que il est donc légiféré d'utiliser la métonymie lorsque on craint de citer quelque chose qui est détestable de dire clairement, qu'il est détestable de prononcer clairement. وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ عَبَّرَ عَنِ الْجِمَاعِ بِلَفْظٍ وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِهِ. Et cela parce que cet homme, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: certes, je me suis trouvé sur mon épouse. Et dans une autre narration, أَصَبْتُ أَهْلِي. J'ai profité de mon épouse. وَهَذَا mawjoudun aidan fil Qur'an kama dhakartuhu lakum kathiran. Et cela est aussi présent dans le Coran, comme je vous l'ai cité plusieurs fois. Ahyanan yatakallamu Allah tabaraka 'an al jima'i fi kitabihi. Parfois Allah tabaraka wa ta'ala, il parle des rapports intimes dans son livre, et il dit: aw lamastum an nisa, ou alors que vous ayez touché les femmes. Ou alors que vous ayez touché les femmes. Ce qui est voulu par là, c'est le rapport. Wa marratan ukhra, et une autre fois, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: wa qad afda ba'dukum ila ba'd. Et certes, l'union la plus intime vous a lié tous les deux. Idhan ya ayyuha al-ikhwa, yanbaghi lana ya ikhwa wa akhawat an nahtata fil alfaz. Et donc, mes frères, mes sœurs, il est convenable que nous fassions attention et que nous accordions de l'importance aux paroles que nous utilisons. Aux paroles que nous utilisons. وَأَلَّا نَتَشَبَّهَ بِالْفُجَّارِ أَلَّذِينَ قَلَّ اسْتِحْيَاؤُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Et nous devons faire attention à ne pas ressembler aux pervers, ceux qui n'ont que peu de pudeur envers Allah le Très-Haut. Nous devons donc faire attention aux mots que nous utilisons, la vulgarité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas grossier ni vulgaire. وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَاحِشًا. Et donc il faut faire attention à cela. وَأَمَّا الْكَفَّارَةِ فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ مُتَعَمِّدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ الْإِنْزَالُ. En ce qui concerne l'expiation, alors certes, les savants sont unanimes, les gens de science sont unanimes quant au fait que celui qui va avoir un rapport avec son épouse durant la journée de Ramadan, intentionnellement, alors l'expiation lui est obligatoire. Et il n'est pas mis en condition pour cela que celui-ci ait fini le rapport. C'est-à-dire, il n'est pas mis en condition qu'il ait éjaculé. ذهبت المالكية والحنفية إلى وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا سواء جامع أهله أو أكل أو شرب. Les savants de l'école malikite ainsi que les savants de l'école hanafite, ils voient que l'expiation, elle est obligatoire à toute personne qui a rompu son jeûne intentionnellement durant la journée de Ramadan. Donc, peu importe que la personne ait commis un rapport avec son épouse, ou alors qu'elle ait mangé ou bu. Bel, qala ba'duhum, man nawa al-iftara wa in lam yuftir talzamuhu al-kaffara. Certains ont même dit que celui qui a eu l'intention, il a juste eu l'intention de rompre, il n'a pas rompu son jeûne, donc l'expiation lui est obligatoire. Parce que l'intention suffit pour rompre son jeûne. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. À chaque année, on explique cela. Donc l'individu qui va chez lui, il rentre, il ouvre le frigo, il voit une belle bouteille de jus. Ah, franchement, j'ai envie de la prendre. Allez, je la prends. Pas grave, Mali. Il a succombé, il prend la bouteille, et là, il y a sa famille qui lui dit, mais crains Allah, etc. Mais lui, il a déjà rompu son jeûne par son intention. Lui, il avait intentionnellement donc l'intention de rompre son jeûne. Et donc ici, Al-Malikiya, donc ils vont voir que cette personne, il lui incombe donc de faire l'expiation. Wa daliluhum anna hadha alladhi أكل أو شرب انتهك حرمة الشهر. Et leur preuve, donc la preuve de l'Malikiya, les savants de l'école malikite et les savants de l'école hanafite, c'est que cette personne qui a mangé ou qui a bu pendant Ramadan, elle a certes violé l'aspect sacré du mois de Ramadan. La personne a violé l'aspect sacré du mois de Ramadan. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يلزم الكفارة على الرجل لأنه جامع أهله فقط وإنما ألزم عليه الكفارة لأنه انتهك حرمة الشهر. Et donc ils ont dit, donc les savants de l'école malikite et hanafite, ils ont dit que ici dans ce hadith qu'on étudie aujourd'hui, ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas imposé à cet homme l'expiation juste parce qu'il a eu un rapport durant le mois de Ramadan. Mais il lui a imposé l'expiation car celui-ci a violé l'aspect sacré du mois. Voilà donc leur preuve. Wa zahabat الشافعية والحنابلة إلى أن الكفارة تجب بالجماع فقط. Et donc les savants de l'école chafiite et hanbalite, ils voient que l'expiation n'est obligatoire que lorsque la personne fait un rapport en pleine journée de Ramadan. C'est-à-dire que celui qui va manger ou qui va boire en pleine journée de Ramadan, il n'aura pas donc d'expiation. Il va devoir rattraper son jour. se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il n'y aura pas forcément d'expiation. Car ce qui est cité dans le hadith, c'est l'expiation liée au rapport. فَلَا يُمْكِنُنَا أَن نُلْزِمَ أَحَدًا بِكَفَّارَةٍ دُونَ دَلِيلٍ صَرِيحٍ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ مُسْتَلْزِمٌ لِهَذِهِ الْكَفَّارَةِ. Et donc nous ne pouvons imposer à quiconque le fait de faire une expiation sans avoir une preuve claire qui montre que l'acte qu'il a commis nécessite une expiation. Et donc voilà pourquoi cet avis, l'avis donc des savants de l'école Shafi'ite et Hanbalite, est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, dans ce sujet, que celui qui va rompre son jeûne intentionnellement pendant la journée de Ramadan, il va devoir rattraper ce jour, se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, mais il ne lui incombe pas donc d'avoir une kafara. Celui qui va donc rompre son jeûne par la nourriture ou la boisson. Par contre, celui qui va avoir un rapport, alors là, il lui incombe une kafara, une expiation. Wa akhiran, amma man jama'a ahlahu fi qada'i Ramadan aw nadhrin. فالأئمة الأربعة يرون أنه آثم ووقع فيما لا يجوز له ولكن لا كفارة عليه لأن الكفارة خاصة بمن فعل ذلك في نهار رمضان. En ce qui concerne, donc pour finir, en ce qui concerne le cas de celui qui va avoir un rapport avec son épouse en pleine journée lorsqu'il rattrape le jeûne du mois de Ramadan. Et donc, il avait des jours à rattraper. Et il rattrape ses jours, donc, après Ramadan. Et pendant qu'il rattrape ce jour, il va avoir un rapport avec son épouse, pendant la journée. Ou alors, il accomplit un adr, un vœu. Il avait fait vœu, donc, de jeûner tel et tel jour. C'est pas Ramadan. Il va donc jeûner. Et pendant la journée, pendant qu'il jeûne, il va accomplir un rapport avec son épouse. Alors, les quatre imams, les quatre écoles, voit que cette personne est pécheur, cet individu est pécheur, et qu'il est tombé, il a accompli ce qu'il ne lui est pas permis de faire. Cependant, il n'a pas d'expiation. Il ne lui incombe pas, donc, de faire l'expiation. Pourquoi ? Parce que l'expiation est spécifique à la personne qui va faire le rapport pendant la journée de Ramadan, pendant la journée du mois de Ramadan. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue demain, bi'idhnillah, l'explication de ce hadith, car il y a beaucoup donc de points à citer. Vous avez vu que le hadith, il est long. J'ai mis du temps à le traduire en début du cours. Il y a pas mal de sujets à traiter. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.